Second focus de la soirée, et on s'attaque à un gros morceau avec le groupe ô combien reconnu Gojira, qui sort là son 7e album. Alors pour les quelques qui ne connaîtraient pas Gojira, donc c'est un groupe français qui nous vient des Landes, qui s'est formé officiellement en 96 en fait sous le nom de Godzilla, mais pour des problèmes de droit de propriété du nom en fait ils ont dû changer en 2001. Le groupe est composé de 4 membres, alors avec un line-up qui est très solide parce que ils n'ont pas changé des membres du groupe depuis 1998 où ils avaient changé le bassiste. Sinon, c'est des membres fondateurs du groupe qui sont là depuis 96. Et à noter qu'à quelques exceptions de quelques collaborations, les membres du groupe sont quasiment exclusivement dédiés à Gojira depuis le début des années 2000. Donc c'est assez remarquable d'avoir un line-up à la fois aussi solide dans le temps et exclusivement dédié à un seul groupe comme ça. Pour faire un tour sans trop m'étaler sur leur discographie, en 2001 ils ont sorti Terra Incognita, donc c'est un album qui est encore assez marqué et inspiré de Morbid Angel en fait, parce qu'on sent vraiment que le groupe a puisé beaucoup beaucoup de sa musique dedans. S'en suivra The Link, alors un des albums pour moi le plus brut qu'ils aient pondu, il est excellent, il y a des pépites dans cet album. Viendra ensuite le monstrueux From Mars to Sirius, qui, au-delà d'être un album d'une qualité incroyable, bouleversera complètement le game du death metal et donnera naissance un petit peu à toute une nouvelle vague. C'est personnellement mon album préféré de tous les styles de musique confondus. Et si vous l'avez jamais écouté, eh bien, coupez la radio tout de suite, mettez l'album et profitez parce que c'est un chef-d'œuvre du début à la fin. Ensuite, en 2008, ils sortent The Way of All Flesh, un excellent album également. Viendra ensuite L'Enfant Sauvage, alors un album parfois mal aimé, mais personnellement je le défendrai corps et âme parce que c'est un album qui a vraiment des chansons qui sont magnifiques. Et même si ça commence à changer radicalement de ce qu'on avait l'habitude d'entendre, on garde vraiment l'identité de Gojira dedans. Et finalement, en 2016, ils sortent l'album Magma, qui est pour moi le seul album de Gojira qui n'a pas su me convaincre. Et je reviendrai un peu dessus, mais j'ai beaucoup de mal à savoir pourquoi celui-ci j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et on en arrive donc à ce nouvel album tout fraîchement sorti, parce qu'il est sorti le 30 avril, il s'intitule Fortitude, et c'est de nouveau signé Roadrunner Records. Et Gojira continue de surprendre et continue de rechercher, de toute façon ils se sont jamais reposés sur leur laurier, ils ont toujours cherché de l'innovation. On est loin de ce qu'ils ont pu faire avant, on est loin du death metal, même si on en entend encore quelques sonorités. Et ça reste assez difficile de mettre un style vraiment sur ce que fait Gojira aujourd'hui, parce que déjà, dans la globalité, c'est complètement unique ce qu'ils proposent, mais aussi parce que chaque morceau est complètement différent, et on va retrouver dans les morceaux différentes périodes de Gojira, d'un morceau à l'autre. Côté composition, on gagne encore en richesse par rapport à ce qu'ils ont fait précédemment. Le côté prog est d'autant plus présent encore dans cet album, mais Gojira arrive à ne pas rentrer dans ce côté froid et mécanique que peut avoir le prog, pour conserver leur identité, c'est-à-dire quelque chose d'assez chaleureux et spirituel. Et on a clairement toujours cette batterie qui est précise au millimètre, qui sonne, je trouve, sur cet album encore plus tribal que d'habitude. Et c'est pas étonnant d'entendre Mario revendiquer un petit peu l'héritage des premiers albums de Sepultura. Clairement, on ressent ça et c'est monstrueusement efficace. Pour conclure sur cet album, en fait, oui, effectivement, Gojira s'est largement éloigné de ce qui a fait sa renommée, c'est-à-dire le style qu'ils avaient sur From Mars to Sirius ou sur The Way of All Flesh, mais là, sur Fortitude, je trouve qu'ils ont trouvé un espèce d'équilibre dans cette nouveauté qu'ils ont, que ça fonctionne super bien, et, encore une fois, j'arrive pas, par rapport à Magma, que j'ai réécouté plusieurs fois là depuis la sortie de l'album, j'arrive pas à savoir pourquoi Fortitude fonctionne bien pour moi et Magma non. Mais en tout cas, il y a vraiment des bijoux dans cet album, notamment le morceau Into the Storm qu'on vous a passé la semaine dernière. Et du coup, pour ce soir, on va s'écouter le morceau Sphinx. Alors c'est un morceau qui sonne un peu old school, puisqu'il rappelle un petit peu la période de The Way of All Flesh. C'est le morceau le plus bourrin de l'album, mais je le trouve vraiment très bon. Et même si il est loin d'être représentatif de l'album, j'avais envie de vous le passer.